vi. L'amour, ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Ma vie, j'en ai l'idée toujours. Ma vie, j'en ai vu de beaux jours. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais, je crois trop en l'amour. Ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. C'est long le chemin. Ma vie, qu'il est long le chemin.